19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Comment allez-vous bien? Et oui, comme Francky vous l'a dit, vous êtes accueillis une fois de plus par Choc, extrait de l'album Obsolete de Fear Factory, et ça depuis un petit peu plus de 14 ans maintenant. Et oui, comme le temps passe vite. Donc Electric Shock ce soir, eh bien, qu'est-ce qu'il y aura dans Electric Shock? Eh bien, des nouveautés, bien sûr, et puis des petites choses aussi en rapport à l'actualité que... Enfin, début décembre, les concerts vont s'arrêter un petit peu. Ben oui, parce que ça va être Noël, comme Francky aussi vous l'a dit également. Et ça, par contre, il y a un petit conseil. Ne ratez pas l'émission du 17 décembre, puisqu'il y aura plein de cadeaux à gagner. Donc, c'est ce qu'il reste à faire ce jour-là. Mais c'est pas pour ça qu'il faut vous bouder votre plaisir. Restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 cette semaine. Et puis, normalement, la semaine prochaine, bien évidemment, aussi pour d'autres surprises. Je vous ai parlé de quelques nouveautés. Et bien, on va commencer tout de suite par la première. Avec tout nouveau, tout beau, tout chaud, le nouvel album live de Molly Hatchett, la légende du rock sudiste, est de retour, même si elle n'a jamais cessé d'exister. Même si ces derniers temps, on pouvait penser qu'elle était plutôt mal en point, puisque quand même le guitariste Dave Lubeck, guitariste qui était là de l'origine, est décédé en 2017. Et puis en début d'année, on a eu la triste nouvelle du décès de Phil McCormack, le chanteur, qui était là quand même depuis bientôt 25 ans quand même, et qui avait remplacé avec brio Danny Joe Brown. Donc, ils ne se sont pas laissés abattre et du coup, ils sont revenus à nouveau pour une tournée célébrant les 40 ans de Flirting with Disaster, leur album mythique et puis plein de bonnes choses. Et donc, on a un live tout chaud, tout bouillant qui vient de sortir et du coup, qui s'appelle Battleground. Et du coup, Molly Hatchett en profite pour nous présenter leur nouveau chanteur Jimmy Elkins. Alors, par contre, vocalement, il n'y a pas à dire. C'est un clone de Jenny Brojo Brown. Donc, on n'est pas du tout surpris du tout par cela. Sinon, Molly Hatchett, si vous ne connaissez pas, c'est du gros rock sudiste, ça qui sent bon la poussière du désert et le whisky frelaté. Et puis, ils vont nous raconter des histoires de chasseurs de primes, comme par exemple Bounty Hunter. Getting back from a trip to hell. Six-gun shooter sat by my side. Whiskey Man, et juste avant Bounty Hunter, donc deux classiques de la légende du rock sudiste Molly Hatchett, qu'on peut trouver donc sur ce live tout chaud, tout bouillant Battleground, qui est sorti vendredi. Donc voilà, c'était donc la première nouveauté de la semaine. Eh bien, continuons avec quelqu'un d'album qu'on vous a déjà passé pas mal d'extraits depuis sa sortie. C'est le dernier Alter Bridge, Walk the Sky. Et Alter Bridge, ils seront en concert lundi, pour ceux que ça intéresse, à Paris, à l'Olympia. Et pour avoir vu Alter Bridge plusieurs fois en concert, croyez-moi, c'est vraiment un groupe qui mérite d'être vu. Donc un petit extrait de cet album, Pay No Mind. verde, cica, turbon e furcione, életrekél, messziről érkezett, szemében lángol a tűz, már mindent látott, a jövőt, a múltat, a jelen időt. Petit tour en Hongrie à l'instant avec le groupe Rebel et son album Sakalok Foljen, excusez-moi pour la prononciation, et le morceau Angial. Voilà, alors si quelqu'un parmi vous sait ce que ça veut dire, hein, qu'il ou elle n'hésite pas à appeler au 02 38 43 48 00, je serais heureux d'être un petit peu moins stupide. Juste avant Rebel, on a le groupe Alter Bridge qui sera donc en concert à Paris à l'Olympia donc lundi soir. Et là, donc un petit extrait du dernier album Walk the Sky sorti au mois d'octobre. Et tout, on a passé déjà pas mal d'extraits. Et là, c'était Pain of Mind que vous avez eu ce soir pour vous décrasser les oreilles. Et là, le décrassage d'oreilles, bah, il va continuer en, vraiment en profondeur avec la deuxième nouveauté de la soirée. Alors, là, ça nous vient de la région parisienne. Vous connaissez certainement, enfin, si vous avez une très bonne mémoire, bien sûr, puisqu'on en a déjà passé du groupe Tancrust. Alors, Tancrust existe depuis 2006. Ils ont déjà sorti un EP en 2013. Et leur premier album, qui était sorti en 2015, de Fest of Solace, on en avait passé à l'époque, je m'en souviens. Et là, le tout nouveau Opposite Terror vient de sortir. Alors, c'est du furieux, puisque c'est un mélange de trash death metal. Croyez-moi, ça, si vous avez un petit peu la tendance un petit peu à vous endormir, là, un petit peu avachi dans le fauteuil, c'est vrai que là, ça va vous redonner la pêche et je pense que vous aurez du mal à vous endormir ce soir. Donc, de cet album, allez, Another Blank Page. Let's lose. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et vous écoutez Electric Shock, l'émission qui grille les neurones. Là, on s'en est grillé un petit paquet avec les Orléanais de From Man to Dust et un extrait de Repossession, leur dernier album, et c'était le morceau Tape of Shame. Et si ça vous a plu, ben, From Man to Dust, vous allez pouvoir les applaudir en concert vendredi soir à l'Astrolabe en compagnie de Betraying the Martyrs et de Behind the Sticks. Juste avant, un peu dans le même esprit, groupe qui nous vient de la région parisienne Tancrust et leur deuxième album Opposite Terror, et c'était le morceau Another Blank Page, et ça c'était donc la deuxième nouveauté de la soirée. Puisqu'on parle concert, eh bien, bon, tout à l'heure, je vous ai parlé que Alter Bridge serait lundi à Paris à l'Olympia. Et bien, le même jour à Paris, il y a un groupe que j'adore qui sera en concert aussi à la salle Playel, bah c'est Marillion. Marillion qui va faire un spectacle particulier, puisque là, ils seront accompagnés d'un orchestre symphonique. C'est un concert que j'aurais vraiment aimé assister, mais vous savez que je suis un grand fan de Marillion. Malheureusement, les places sont parties très très vite et j'ai pas pu m'en procurer, malheureusement. Alors, bah on a eu un petit aperçu déjà de ce que pouvait donner Marillion avec un mini-orchestre. Ça, c'était lors de leur tournée en 2017. Et où j'ai eu la chance de les voir au Zénith, et c'est vrai qu'avec ce petit orchestre, ça avait apporté quelque chose de vraiment en plus avec leur musique quand même, qui est quand même très intense. Donc pour se mettre un petit peu dans cette ambiance, on va faire un petit extrait de l'album Live at the Royal Albert Hall qui avait été enregistré sur cette tournée, qui était sorti en mois de juillet 2018, avec un petit morceau, enfin quand je dis petit, ça, que j'adore, qui était extrait de Season's End, et là rehaussé d'un orchestre. Ça donne quelque chose de vraiment fabuleux, et puis ça correspond tout un petit peu à l'esprit de Noël. C'est bien sûr le fabuleux Easter qu'on va s'envoyer maintenant. Time for the blood to see. magnifique, que dire, ce morceau est vraiment magnifique, surtout rehaussé d'un orchestre symphonique. C'était le classique de Marilyn Easter, que, extrait de l'album Live at the Royal Albert Hall, sorti en juillet 2018. Et Marilyn, qui sera dans cette même configuration, accompagnée d'un orchestre, sera donc en concert lundi soir à la salle Playel, un moment qui promet vraiment d'être magique. Continuons en live, bien sûr, avec... du pur métal, avec le live testament de Slayer, puisque normalement Slayer maintenant, ça y est, depuis le 30 novembre, ça y est, ils sont en retraite, et ils avaient annoncé que c'était leur tournée d'adieu et que là ils arrêtaient définitivement après un dernier concert le 30 novembre 2019, bon voilà, c'est triste si c'est vraiment le cas, mais bon, vous savez que dans le rock'n'roll, hein, les adieux, c'est jamais vraiment quelque chose de définitif. Enfin, en attendant, on a toujours ce live qui a été enregistré en 2017 pour se remémorer les très bons souvenirs de ce qu'a été, ce qui a été ou ce qui est encore Slayer en concert, c'est-à-dire une machine de guerre impitoyable. Par exemple, vous allez pouvoir s'en rendre compte sur le Born of Fire, le classique de Seasons in the Abyss, extrait donc de The Repentless Kilogy, live at the Forum in Inglewood, California. electricity knows no fear. Yeah, the bias will persevere. Joking over, beaten in bed. Realizing no fighting is all it said. Captain Fister, don't stand in my way. It's vengeance you earn, with blood you will pay. When war dies, echo sacrifices, de First Stone et juste avant Born of Fire de Slayer, extrait donc du live Testament The Repentless Kilogy live at the Forum in Inglewood, California, sorti au mois de novembre et qui devrait normalement être le tout dernier opus de la légende californienne. Et bien maintenant, si on allait faire un petit tour du côté de la Norvège, on va retrouver tiens, le split album de Ancestral Legacy et de Veil of Mist que je vous ai présenté déjà il y a quelques semaines. Alors, vous savez que c'est rare dans ce genre de métal gothique de trouver des split albums. On trouve plutôt ça dans le métal extrême, dans le hardcore, ce genre de choses. Et donc, ils n'ont pas fait les choses à moitié puisqu'on y trouve sur cet album des reprises, des choses comme ça, des mots. Et il y a aussi une collaboration commune entre Ancestral Legacy et Veil of Mist. D'après ce que j'ai cru comprendre, c'est à la fois un morceau qui a été écrit avec les deux groupes et les deux groupes aussi jouaient ensemble sur cet album qui s'appelle The Silent Frontier, bien sûr. Et ben, le morceau que je vous ai choisi ce soir s'appelle Unlead et c'est un morceau presque progressif qui dure quand même 8 minutes mais qui est une pure merveille de cette collaboration franco-norvégienne. À tout à l'heure. L'association franco-norvégienne Ancestral Legacy et Veil of Mist, elle est particulièrement réussie, hein, comme on peut se rendre compte sur ce morceau. Anlid, qui est vraiment donc magnifique, extrait de leur album, split album, The Silent Frontier, qui est sorti le 18 octobre dernier, et qu'on vous a déjà passé quelques extraits, et ça, je pense que ça va. Vous allez en avoir d'autres d'ici quelques semaines, d'ici voire même l'année prochaine, sans problème. Voilà, voilà. Maintenant, revenons à une des nouveautés de la semaine, la troisième de la soirée. Dans la série, donc, faisons du neuf avec du vieux, je voudrais maintenant Mania Road. Alors, Mania Road, petit rappel, groupe culte qui n'a jamais connu un très grand succès, mais bon, dont tout le monde connaît de nom un petit peu, qui existe, qui s'est formé en 1977 et qui, bah, malheureusement n'existe plus dû au fait du décès du chanteur Mark Shelton l'été dernier. En 2018, plus exactement. Et Mania Road, là, vient de ressortir son album live Roadkill, sous le titre Roadkill Tapes and Rarities. Alors, pour la petite histoire, Roadkill était donc un live enregistré en 1988, qui était sorti sur le label français Black Dragon, qui est vraiment impossible à trouver maintenant. Et ce live, cet album contenait donc 15 morceaux en tout, 8 titres studio et... Non, 8 titres live, qu'est-ce que je raconte? Je raconte des bêtises. Et 7 titres studio. Et là, du coup, les ayants droit de Mark Shelton, enfin je crois que c'est ses anciens comparses de Mania Road, ont retrouvé dans ses affaires des vieilles cassettes, des tas de choses. Et ils ont décidé de faire une sorte d'album live posthume, en quelque sorte. Donc on y retrouve des extraits de qui ont servi pour le Roadkill, mais dans des versions différentes, c'est-à-dire non remixées, non retouchées, brutes de chez brutes, encore plus brutes que le Roadkill, c'est difficile de faire autrement, etc. Mais par contre, là, on a tout le concert complet et les morceaux dans l'ordre. Et on y trouve également, comme son indique Rarities sur le deuxième CD, par contre, des raretés, donc c'est-à-dire surtout des démos, des jams, des plein de choses comme ça qui sont très intéressantes à écouter. Par contre, la qualité sonore n'est pas toujours là, mais là, c'est pas là l'essentiel. L'essentiel, c'est... est ailleurs, comme disait l'autre. Voilà. Donc, on va se faire deux petits extraits de ce live. Tout d'abord, Isle of the Dead. Seven seas, live out the curse of my swamp beneath the fires. was a time a poet found the key to the elder rhyme. So call the song misty with tales of gore and terror in the night. His words no more have kept me mystified. Shadows Groupe inclassable et à la limite c'est tant mieux, ça prouve qu'ils ont leur propre son. C'était donc Mania Road et son live Roadkill Tapes and the Rarities, qui n'est ni plus ni moins que la réédition incrémentée de plein de bonus rares de ce groupe de légende originaire, tiens, pour la petite histoire, de Wichita dans le Kansas. Et Wichita est jumelé avec la ville de Orléans, bien sûr. Donc à l'instant, on a eu Mystification et Isle of the Dead juste avant. Et bien maintenant, de Wichita, on va faire un bond et on va se retrouver en Australie. Et on va retrouver les Fous Furieux de Meshiach et leur deuxième album Mask of All Misery. Et ils vont nous en foutre plein la tête avec des miasmes. Justement, c'est le morceau Miasma. We'll be right back. csak egyszer rájössz te is, hogy mennyire okos, okos a rendszer. Okos világban élsz, okos világban élsz. Okos igazolvány, okos rendőr, okosra fújod az egészen fejből. Megtanultad, hogy mit szabad, okosan vesz levegőt a víz alatt. A tudomány oltárán, ha feláldoznak egyszer, rájössz te is, hogy mennyire okos, okos a rendszer. Okos világban élsz, okos világban élsz. Australie à la Hongrie, bah, y a qu'un pas, hein, il suffit juste de changer de platine. C'était à l'instant donc les Hongrois de Moby Dick et leur album Therapia, et c'était Okos Vilak. Enfin voilà, j'espère que la prononciation est pas trop mal. Et avant, par contre, venu d'Australie, Meshiach et leur deuxième album Mask of All Misery, et c'était le morceau Miasma. Maintenant, on va changer complètement de style avec un vieux de la vieille du rock progressif hollandais. Bah, vous connaissez, si vous avez écouté ces deux dernières semaines, c'est Jana Ackerman, guitariste de Pocus, qui nous a sorti un nouvel album solo, un de plus, qui s'appelle Close Beauty. Alors là, on est quand même très loin du métal. On est plus proche, des fois, par moments, du jazz rock, de Santana. Enfin, mais par contre, qu'est-ce que c'est beau quand même et qu'est-ce que ça joue bien. Alors là, on va se faire un morceau que presque, on va dire, acoustic shock ce soir. Extrait donc de cet album, c'est Spiritual Privacy. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 et non, vous n'êtes pas trompé, c'est bien Electric Shock, qui je vous rappelle, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h l'émission métal. Et là, c'est vrai que bon, c'était un petit peu différent, mais bon voilà, il en faut pour tous les goûts et toutes les cultures. Donc c'était un extrait de l'album de Yann Ackerman, c'est une guitariste de Pocus, Close Beauty, et c'était Spiritual Privacy. Eh bien, on va se faire une nouveauté, encore une, la quatrième de la soirée, avec un personnage assez étonnant qui s'appelle Frank Carducci. Alors, Frank Carducci, c'est un polyinstrumentiste français. Il joue de tout, hein, de la basse, du piano, de la guitare, de la batterie, j'en passe, et des meilleurs. Et il est plutôt branché rock progressif. C'est un grand fan de Genesis, de Steve Hackett. D'ailleurs, il a joué avec lui en première partie sur toute une tournée. Il a eu l'occasion de jouer, par exemple, au Lorelei Festival aussi. Donc, vous dites, ah, ça va être du rock prog, etc. C'est vrai que cet album-là, donc, qui s'appelle The Answer, qui est sorti fin novembre, il y a beaucoup de rock progressif, mais il y a des choses quand même plus rock'n'roll, comme par exemple, comme ce morceau, qui porte bien son nom, Slaves to Rock'n'Roll. Quand on a un morceau qui s'appelle comme ça, bon, il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Searching. encore un petit tour en Hongrie avec le groupe Dr. Weiss et leur album Rock Consilium, mais c'était Yags L-O-G-Ls. Bon, encore une fois, je m'excuse pour la prononciation. Juste avant, Rock'n'Roll aussi, et c'était la quatrième et dernière nouveauté de la soirée, le multi-instrumentiste Frank Carducci et son album The Answer, et c'était Slave to Rock'n'Roll. Et on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock, et ben un petit peu de death metal, et ben pour ça, tiens, on va faire un petit tour du côté des chartrains de Bloody Alchemy et leur album Reign of Apathy, et on va se passer le morceau Betraying the Brave, mais avant, un petit message, message for the apathetic. Service will come on to collapsing. Les Tourangeaux de Beyond the Sticks avec un extrait de leur album Stigma qui était sorti en 2018 et c'était Poison 4. Poison the Sticks qui jouera à l'Astrolabe vendredi soir en compagnie des Parisiens de Betraying the Martyrs et des petits gars de bien chez nous From Man to Dust qu'on a diffusé d'ailleurs tout à l'heure. Juste avant Beyond the Sticks, c'était les Chartrains de Bloody Alchemy et leur album Too Chaud to Bouillon, Reign of Apathy. Et vous avez eu droit au morceau Betraying the Braves et la petite intro Message for the Apathetic. Restons toujours avec du Made in France, mais d'un registre très différent, avec ce métal très cinématographique de ce groupe hors norme qui est Hypnose. On va se faire un petit extrait donc de A Distance Dark Source Part 2. Qui est vraiment un album magnifique. Mais enfin, c'est un album qu'il faut écouter pas mal de fois pour bien dompter toutes les subtilités. D'ailleurs, je pense que j'en suis pas encore là, d'ailleurs, mais ça viendra. Et le morceau que je vais vous passer ce soir, qui s'appelle Distance Dark Source Part 3, bah, j'espère qu'il va y participer. Et puis à vous aussi, ça vous donnera peut-être envie de découvrir davantage. We'll be right back. qui, dans la connaissance au moins, les réconcilierait enfin avec eux-mêmes, ne peut apparaître, si elle apparaît, qu'à ce moment fugitif que la mort tout s'y achève. Pour être une fois au monde, il faut à jamais ne plus être. Et voilà, ça se termine tout en douceur sur ces notes de piano, ce groupe inclassable qui était Hypnose, avec le morceau Distant Dark Source Part 3, qui lui est extrait de l'album Distant Dark Source Part 2. Voilà, donc un groupe vraiment à découvrir, vraiment qui a une personnalité intéressante. On parlait concert tout à l'heure, et bien vendredi soir, bon vous savez, il y a la soirée Death Metal à l'Astrolabe avec Beatrix, The Martyrs, From Man to Dust et Beyond the Sticks. Par contre, à Paris, au Zénith, enfin, Massisteria va jouer en tête d'affiche au Zénith. Ça va être pour eux une très grande date. Et d'ailleurs, Massisteria, bah, c'est pour ça qu'on vous en met ce soir. On va se faire un petit extrait de l'album live à l'Olympia qui était sorti en 2013. Et on va commencer tout de suite avec un de leurs classiques, extrait de L'Armée des Ombres. C'est « Tout doit disparaître ». Si vous n'avez jamais vu Massisteria en concert, allez-y, c'est vraiment de la tuerie. Merci. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, il faut couper la vie. Car tout doit disparaître. Ce soir, ne faites pas les cons, mais faites les fous. Allez. Tout doit disparaître. basculer son avenir. Nous ne sommes pas encore obligés de tuer. Il ne nous est pas encore arrivé de mourir. Tout va disparaître. Alors fais pas et nous forcer de reconnaître. La vie continue sans nous. Hey, tout va disparaître. Alors fais pas et nous forcer de reconnaître. Je refuse, j'accuse, je mets en douce. Mais encore, je me révolte contre une société qui dort. La vie comme c'était, ainsi va la vie. Est-ce la fin des utopies? Où sont les curbons et les hippies? Dis-moi, est-ce la fin des utopies? Dis-moi, où sont les curbons? Où sont les hippies? Tout doit disparaître. Préparez-vous. Hey, tout doit disparaître. Alors préparez-vous, forcez de reconnaître, la vie continue sans nous. Tout va disparaître, alors préparez-vous, forcez de reconnaître, la vie. La vie enchaîne déceptions et désillusions. Je relâche pas l'affaire et surtout pas mon attention. La réalité est tragique, quoi que nous pensions. Le plaisir qu'ampute dans la vie, alors action. Le plaisir t'embute dans la vie, alors action. Ce soir. Le plaisir t'embute dans la vie, alors action. La réalité est tragique, quoi que nous pensions. Alors ce soir. Le plaisir t'embute dans la vie, alors action. Préparez-vous. Tout doit disparaître. La vie continue sans vous. Tout doit disparaître. Préparez-vous. Les Furieuses. Les Furieuses. Tout doit disparaître. Préparez-vous. Ce soir, ne faites pas les cons, mais faites les fous. Est-ce que vous êtes prêts à faire les fous? Nous ne sommes pas encore obligés de tuer, non. Il ne nous est pas encore arrivé de mourir. Alors, tout doit disparaître. Alors préparez-vous. Pensez de reconnaître la vie continue sans nous. Tout va disparaître. Alors préparez-vous. Pensez de reconnaître. La vie continue sans nous. Yeah. Yeah. Yeah. Préparez-vous. Yeah. Ne faites pas les cons. Ne faites des fous. Ce soir, c'est la Furia. On se donne rancard au bar. C'était Mass Hysteria pour les 20 ans à l'Olympia. Merci à vous. Merci les filles. Les danseuses Simone, Carla, Vanessa, Shayana, fais du bruit. Da la la la la la la la. Da la la la la la la la. Furia, est-ce que vous êtes prêts? Yeah. On fait On met le feu, on met le feu dans le sabot. Dans le sabot, dans le sabot. On met le feu, on met le feu dans le sabot. Dans le sabot, dans le sabot. On met le feu, on met le feu dans le sabot. Fantastiques connaissances et cette énergie peuvent-elles venir? Yeah! Ça fait 20 ans! Bon anniversaire! Une, deux, une, deux, trois, trois ans! Dans le sabot! Dans le sabot! On met le feu dans le sabot! Dans le sabot! Dans le sabot! On met le feu dans le sabot! Dans le sabot! Dans le sabot! Dans le sabot, dans le sabot, on met le feu dans le sabot. On met le feu dans le sabot. Dans l'hystérie, sur des rythmes chauds. Je mets le feu dans le cerveau. On met le feu dans le cerveau. On met le feu dans le cerveau. Fouria et tout doit disparaître, deux extraits du fabuleux live à l'Olympia sorti en 2013 de Mass Hysteria, qui est vraiment une putain de machine de guerre en live, et Mass Hysteria qui sera en concert vendredi soir au Zénith, et ça c'est vraiment très mérité avec une carrière pareille. Il nous reste très peu de temps, alors est-ce qu'on se dit au revoir ou est-ce qu'on se passe un dernier morceau? Oh, on va se passer un dernier morceau quand même. Bon, ouais, on va pas se quitter comme ça. Eh ben, tiens, on va faire un petit tour du côté de Lille et on va retrouver le groupe Alouette, Metal Gothic et The Machine and the Beast. Et on va terminer l'émission avec The Lord of Cities. de Lord of the Cities des Lillois d'Alouette. Voilà, ce sera donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Eh bien, merci une fois de plus d'avoir été fidèle à ce rendez-vous. Et j'espère vous retrouver encore plus nombreux la semaine prochaine, où il y aura encore d'autres nouveautés, bien évidemment. Eh bien, d'ici là, portez-vous bien, écoutez plein de métal, faites attention à vous et écoutez, restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Salut à tous!